Chapitre 9. Un article de La Rue m'a retiré le pain de la bouche. J'y signalais comme farceur ou fusilleur futur les députés de Paris. Désormais, les journaux de l'opposition me sont fermés. J'ai osé toucher aux idoles. Les bonapartistes m'ont emprisonné. Les tricolores vont m'affamer. Chaque barreau de l'échelle parlementaire porte un des 5 coqs de la gauche que j'ai déplumé, dont j'ai fait saigner le croupion. Ils ont juré pour leur revanche de me faire saigner l'estomac et le cœur. On ne laissera pas plus gazouiller mes rossignols littéraires qu'on ne laissera aboyer mes colères politiques. J'ai engagé la lutte, le rire aux dents. Il faudra que ces dents s'allongent ou que je me les laisse arracher, que je demande grâce et que j'aille leur lécher les bottes. J'ai vraiment eu une riche idée en écrivant ces 200 lignes. Elles me désignent à la calomnie et à la mort. « Elles vous désignent au peuple aussi, » m'a dit un vieil insurgé en me prenant le poignet et avec un éclair dans les yeux. « Tenez bon, nom de Dieu, et au jour de révolution, c'est vous que le faubourg appellera, c'est eux qu'il collera au mur. » « Rappelez-vous ce que je vous dis là, citoyen. »« Tenir bon ? Ah ! Si j'avais seulement la miche assurée, la chemise blanche, un galetas, l'ordinaire de la crèmerie, 100 sous de rente par jour, je ne les ai pas. »« Il va falloir gagner sa vie à tripoter encore les livres, à compiler les vieux, à pondre des œufs de canne pour les faiseurs de dictionnaires qui, moyennant 10 centimes la ligne, prendront le droit de m'humilier à plaisir et de me faire stationner dans l'antichambre, de hocher la tête en brocanteur qui déprécie la marchandise qu'on leur apporte, surtout quand celui qu'ils exploitent est un failli du succès. Ah, mieux vaudrait casser des pierres sous le grand soleil. « Je t'écoute !» m'a crié Landriot qui a lâché la normale pour être secrétaire d'un gros bonnet de la Sorbonne, lequel a claqué et l'a laissé dans la panne. « Il est devenu la béquille de Gustave Planche ? Claqué aussi, le père Planche !» Et Landriot, depuis des années, a la salive rouge. C'est en toussant et d'une voix cassée qu'il a cinglé l'ambition de mon souhait avec son rire poussif de Gavroche agonisant. Il a essayé de tout, lui, jusqu'à la mendicité. Il ne le cache pas. Il lance son aveu avec les lambeaux de ses poumons à la face de cette société qui a permis à la faim de lui ronger la poitrine et l'honneur. Il est même cause que je passe pour un gredin auprès des gens qui se contentent de le plaindre et de s'égayer au récit et à la pantomime de la scène d'aumône. Moi, ai-je crié, j'aurais mieux aimé arrêter l'homme et lui dire « Donne-moi de quoi acheter du pain ou je t'étrangle !» Ils se sont voilés la face. Ce qu'ils seraient capables de le faire comme il le dit. Ouais, j'aurais préféré attaquer au coin d'un bois que mendier au coin d'une borne. Mais j'aurais préféré aussi me briser la tête contre un mur ou me jeter à la rivière que de ne pas garder ma probité intacte. C'est un outil qu'il me faut conserver pur et tranchant comme une lame neuve. Landriot a ricané nouveau. « Ta probité, tu en crèveras comme moi de ma phtisie. Seulement, il faudra peut-être qu'il te tue parce que toi, tu es solide. Mais si tu te figures que tu vas manger ton sou de parler dictionnaire et avoir ton chalumeau de paille et ton droit au vin sur le radeau de la Châtre ou de la Rousse, il faut en rabattre, mon fiston. Moins qu'avant, je te le dis. Ils se tiennent comme les doigts du pied, les libérâtres, et tu as marché avec tes sabots sur leurs bottines. En quarantaine, au lazaret. Ah, il te reste une chance néanmoins, celle de devenir poitrinaire aussi. Alors, ils te feront peut-être la charité de te donner à rédiger des mots ayant rapport à ton mal. Et même, la veille de ton agonie, ils t'augmenteront parce que tu n'auras eu qu'à coller sur la page blanche ton mouchoir plein de sang pour décrire une pneumonie comme appelle ce vieux birbe peigné la rage. Tiens, quand on ne croit ni à Dieu, ni à diable, on devrait se faire prêtre, on a au moins des hosties à manger. Toi, imbécile, tu es l'hostie qu'on mange. Heureusement, j'ai mon ardoise chez Laveur, le père nourricier de quelques vilains jeunes comme moi et de quelques beaux vieux comme Toussenel et Considérant. Nous ne sommes pas inquiets, allez, vous nous paierez à la façon de M. Courbet chez Handler, quand ça lui plaît, et vous ne me gênez pas pour les extras. Seulement, quand vous serez quelque chose, vous vous souviendrez de nous, n'est-ce pas ? Les simples ont l'air de croire que je serai quelque chose un jour, mais les éduqués haussent les épaules en entendant prononcer mon nom. Pourquoi diable vous occupez-vous de la politique ? Avec ce que vous avez dans le ventre, si vous faisiez seulement de la littérature, l'avenir serait si beau pour vous, tandis que c'est la misère, la prison. Tenez, vous êtes toqué. Moi d'abord, je rogne les Basques, a dit avec une moue significative un tailleur des grands quartiers qui m'habillait depuis longtemps et à qui je donnais de l'argent quand j'en avais trop. Comment ? Vous pourriez être député, et vous vous mettez à insulter les cinq. Je ne travaille pas pour les barricadiers. Je ne coupe pas des redingotes qui vont se salir contre les blouses. Justement, j'avais besoin d'un complet de demi-saison. Heureusement, un juif qui habille des camarades à tempérament a bien voulu me prendre mesure et m'offrir toute sa maison. Mais il a écoulé un stock de velours tramé et il faut que j'accepte un costume de charpentier. J'hésite, je soupire. Le juif en appelle à mes convictions. Un peu plus, il me traitait de renégat. Fauquillette pour les suffriers, voyons. Vous racheriez d'être habillé comme eux. Faut pas être un gras jeune homme. Qui sait ce qu'ils feront pour vous ? Lui aussi. À qui se fier ? De l'insurgé, du patron de table d'hôte ou de ce chiloc à tant par mois, lequel croire ? Je n'ai à croire ni ceci ni cela. J'ai à reprendre tout connu que je suis, le collier des anciennes détresses. Mais cette fois, si l'on appelle aux armes, quand j'apparaîtrai, on me reconnaîtra, et si je suis vêtu en gueux, on saluera ma misère. Seulement, il faut pouvoir attendre le moment de bien mourir, et c'est dur d'être en complet de commissionnaire lorsqu'on a été un moment sur le chemin de la fortune et de la gloire. C'est moi qui l'ai voulu. Pourquoi n'ai-je pas baissé d'un cran mon pavillon ? Pourquoi ai-je défendu les pauvres ? Mais où serait le mérite si je vivais d'eux comme leur vermine ?